Disparu par Jules de Gastine. Chapitre 1er. Au moment d'entamer ce récit, je me sens pris d'une hésitation. La plume tremble au bout de mes doigts. Des gouttes de sueur glacée s'amassent à mon front. Des sanglots gonflent ma poitrine. Et les larmes rouillent ma vue au point que je puis à peine distinguer les lignes sur mon papier. Ce que j'ai raconté est si terrible, m'a déchiré le cœur si cruellement, que j'ai peur de ne pas trouver de mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. Mais je commence sans plus de préambule. Je m'étais marié dans la journée. Je m'en allais dans mon auto avec Raymonde, ma femme adorée. Je me faisais une joie, d'abord de pouvoir lui dire toute ma tendresse, la presser dans mes bras, puis de lui montrer le coquet petit appartement que j'avais fait préparer pour elle et où je pensais que nous serions si heureux. J'étais tout transporté du bonheur ardent, infini, de la sentir là, près de moi. Et comme je l'aimais. Je l'aimais, à cette heure qu'elle était mienne, avec la conviction que rien ne nous séparait plus, comme je ne l'avais jamais aimée encore. Comme je l'avais trouvée jolie et désirable dans sa toilette blanche de mariée, et comme j'avais été heureux et jaloux tout à la fois, des regards admiratifs avec lesquels nos invités, des indifférents, des passants, la contemplaient. J'étais fier d'elle, de sa beauté. Et en me sentant seul avec elle dans l'auto, nous emportant rapidement à travers les rues éclairées, j'avais peine à modérer l'élan amoureux qui me transportait. Tapis dans un coin de la voiture, Raymonde ne parlait pas, mais je sentais que son corps était tout frémissant contre le mien et qu'elle ressentait les mêmes impressions que moi, les mêmes désirs. Moi aussi, du reste, j'étais silencieux. Qu'aurais-je pu lui dire ? Quels mots aurais-je pu trouver qui exprimassent mieux mon émoi que mon mutisme tremblant, que la pression de ma main sur ses doigts tout palpitants? Enfin nous arrivâmes, mais à peine eus-je mis ma clé dans la serrure, que tout ce rêve de félicité s'évanouit. Je fus rappelé brusquement à la dure réalité. Je n'avais pas ouvert ma porte que Joseph, mon valet de chambre, se précipitait au-devant de moi. « On vient de téléphoner, monsieur. D'où ? Du journal. » « Que veut-on ? Il faut que monsieur parte tout de suite pour... J'inscris le nom. » Il me montra le nom d'une station assez près de Paris. « Et qu'est-ce qu'il y a, là ? Il paraît qu'on a trouvé sur la voie du chemin de fer le corps de cette femme disparue. » Je ne pus retenir un bond de stupeur. La femme disparue. Cette femme dont tout Paris s'entretenait, le plus affolant mystère qui eût encore intrigué une population habituée pourtant à tous les drames et à toutes les surprises. Dans un autre moment, certes, j'eusse saisi ma valise, dégringolé l'escalier et sauté dans une auto pour me faire conduire à la gare. Mais ce soir, au moment d'introduire dans la chambre nuptiale celle qui depuis quelques heures seulement était ma femme, j'avoue que j'eus un mouvement d'hésitation bien compréhensible. Ma femme était au courant de cette affaire qui nous mettait sur les dents depuis plusieurs jours, policiers et reporters, et m'avait empêché de m'occuper d'elle comme je l'aurais souhaité. Il désirait connaître le mot de l'étrange énigme presque autant que moi-même. « Tu vas partir ?» me demanda-t-elle. « Ce soir ?»« Comment veux-tu, ma chérie ? Je vais téléphoner pour demander qu'on envoie un autre que moi. »« Mais c'est toi qui t'es occupé jusqu'ici de cette affaire. Je sais bien. Tu vas abandonner le bénéfice ?»« J'abandonnerai tout pour ne pas te quitter. Il faut songer à ta situation, mon chéri. Je sais bien. » Ma femme avait raison, parbleu. Mais pourtant c'était cruel, trop cruel. Je me tournai brusquement vers Joseph. « Qu'as-tu répondu ?»« Que monsieur était absent, mais que monsieur allait sans doute rentrer. »« Vous direz à votre maître, a-t-on recommandé, de partir sans retard. Affaire énorme. Tous les autres distancés. Personne n'est prévenu qu'il ne perde pas une minute. »« Tu vois, » dit Raymonde. « Il y a un train à 11h30, » ajouta Joseph. Je consultai ma montre. Il était 11h10. Je n'avais plus que le temps tout juste de sauter dans une auto, pas même de changer de toilette, encore moins de charger un autre reporter. Et je me rendais compte, avec l'amour du métier que j'ai dans le sang, que je ne pouvais exposer le journal à manquer une affaire si sensationnelle. Mon directeur ne me le pardonnerait pas. Je me décidai brusquement. Je pars, ma chérie. C'est ce qu'il faut, dit Raymonde. Tu seras de retour dans la matinée sans doute. Je t'attendrai bien impatiemment. J'embrassai sur les deux joues ma chère femme et je m'élançai dans l'escalier. J'avais le cœur bien gros. Ah, si j'avais soupçonné ce qui m'attendait, je ne serais jamais parti. Je n'aurais pas quitté une minute cette femme que je chérissais si tendrement. L'amour du devoir, l'amour du devoir, à quelle douleur il vous expose souvent. J'allais vers le malheur, vers le désespoir, vers les tortures les plus inouïes qui puissent éprouver un cœur humain. Ah, la funeste nuit, la fatale idée et l'infernale vengeance. Les damnés souffrent moins que j'ai souffert, et je ne crois pas qu'il y ait eu jamais sur terre douleur pareille à ma douleur. Mes larmes coulent sur mon papier à gouttes précipitées comme les grains d'une pluie d'orage. Et j'ai envie de crier tout haut mon malheur. Mais il faut que je me calme, que j'écrive. Car il me semble qu'en racontant mes peines, cela me soulagera.